Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Albert Camus, une jeunesse algérienne. Le 14 mars 1940, Albert Camus, jeune écrivain inconnu de 26 ans, embarque pour la France avec dans sa valise un manuscrit promis à un grand destin. Du navire qui l'emporte vers une vie nouvelle, il voit s'éloigner les côtes de l'Algérie. Quel sentiment éprouve-t-il ? La joie du départ, sans doute, mais aussi, sans doute aussi, la souffrance de l'exilé qui laisse derrière lui sa femme Francine, sa mère Catherine, cette vieille femme qui ne sait ni lire ni écrire et qui l'a élevée seule, et son pays natal, cette Algérie solaire qu'il aime charnellement. Mais il est urgent de partir. L'Algérie ne veut plus de lui depuis qu'il a dénoncé dans la presse le système colonial et la répression contre les nationalistes algériens. Cet homme de gauche, déjà inclassable, est mal vu aussi du Parti communiste qu'il a mis dehors après un véritable procès stalinien. C'est de cette jeunesse algérienne que nous allons parler ce soir, de ces années d'apprentissage où dans les cafés d'Alger et sous le soleil de Tipaza, Albert Camus, pas à pas, va inventer son écriture littéraire et une pensée qu'il veut résolument libre. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Agnès Piquel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure émérite de littérature française à l'Université de Valenciennes et jusqu'à récemment la présidente de la Société Camusienne. Vous êtes l'auteur, bien sûr, de nombreuses publications sur Camus. Récemment, un livre singulier, Alger, sur les pas de Camus et de ses amis, publié par un éditeur algérien. C'est une sorte de guide qui recense les lieux de cette ville que Camus a connue et fréquentée. Albert Camus est donc un écrivain français, sans doute même universel, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il est aussi un écrivain algérien ? Bien sûr, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Il est français, algérien et universel. Et cette bagarre autour de cette notion-là n'a pas lieu d'être. Il se sentait profondément algérien. À son époque, algérien, c'était les Français d'Algérie, mais algérien parce que lié... vous l'avez dit charnellement, et de mille manières à l'Algérie, j'irais même aussi à Alger, qui était quand même son terreau d'enfance et de jeunesse. Et les écrivains algériens, tous ceux que j'ai rencontrés, disent « mais il est des nôtres, on lui doit beaucoup, mais en même temps, on n'est pas prisonnier de cela ». Donc ils le réinterrogent, et c'est tout à fait passionnant ce dialogue qu'ils ont avec lui, mais il fait partie du patrimoine algérien. Nous allons le suivre, Albert Camus, dans son apprentissage littéraire et politique, amoureux aussi, de 1934 jusqu'à ce qu'en 1940, donc, il embarque pour la France. En quoi ces années sont-elles essentielles ? Il devient Camus. Oui. Je veux dire, à tous égards, du point de vue du rapport au monde, du point de vue du rapport à la littérature, du point de vue du rapport au savoir, du rapport à la société, à tout point de vue politique, ce foisonnement d'activité qu'il a, alors même qu'il a été malade, est proprement extraordinaire. Tous les témoins le disent. Et je crois qu'il dévorait la vie. Et il faut aussi rappeler que Alger, au milieu des années 30, est une ville extrêmement active, animée. Foisonnante. Intellectuellement, artistiquement. Et Camus plonge avec délice dans cet univers-là. Et puis, petit à petit, c'est dans ces années-là qu'il a la conviction qu'il sera écrivain et qu'il parle de mon œuvre. L'important, mais on va le voir, je l'espère, c'est comment il conçoit cette œuvre, non pas comme celle d'un écrivain qui inventerait tout, mais comme celle de quelqu'un qui va apprendre son métier. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez ce jeune Camus, c'est... L'apprentissage. Alors, revenons justement à son enfance, Agnès Piquel. Albert Camus est né en 1913. De quelle Algérie vient-il ? Alors, il vient de l'Algérie des tout petits colons, de cette frange, mais la plus nombreuse parmi tous les Européens, qui est issue de l'immigration de la misère. Et il est issu de cette frange, parmi laquelle il vit dans le quartier de Bellecour, qui est un quartier très populaire, très mêlé aussi du point de vue ethnique dans les années 30. Il grandit là parmi des gens qui certes ont un niveau de vie supérieur et de loin j'allais dire aux autochtones, mais très inférieur à la classe ouvrière française de la même époque. Et ça, c'est très important de le dire. Les grands colons, c'est pas son univers du tout, du tout, du tout. Voilà. Et il est élevé par sa mère, puisqu'il est orphelin de père, qui est mort en 1914 à la guerre. Une mère qui ne sait ni lire ni écrire et qui est extrêmement pauvre, mais qui l'aime, qui lui voue un amour énorme. Il est élevé, j'allais dire, par la grand-mère, c'est-à-dire la mère de sa mère, qui mène la maisonnée d'une main de fer. Quand on me dit, mais la grand-mère, qu'est-ce qu'elle était dure? Je dis, c'est la pauvreté qui était dure. Elle devait nourrir toute cette famille, parce qu'il n'y avait pas que Albert, il avait un frère, il y avait la mère, il y avait l'oncle, il n'y avait qu'un petit salaire, deux petits salaires, celui de l'oncle et celui de la mère, qui faisaient des ménages. Le petit Albert Camus est un très bon élève, et s'il va réussir à dépasser le niveau du certificat d'études, c'est grâce notamment à un instituteur, Louis Germain, qui va l'aider à obtenir une bourse d'études. Et puis il y aura d'autres figures tutélaires comme ça, des sortes de pères de substitution. Il y aura Jean Grenier, son professeur de philosophie. À quel moment Camus décide-t-il d'être écrivain ? 17 ans. Il l'a dit très clairement à 17 ans, c'est-à-dire en 1930. Après beaucoup, beaucoup de lectures pendant ses études. Et il décide d'être écrivain à la lecture d'un livre dont il a dit que ça avait été déterminant pour lui, même si ça n'est pas quelque chose de très connu, c'est La douleur d'André de Richaud, qui lui montre que la littérature peut parler de la vie quotidienne, peut parler de la vie des gens pauvres, des gens comme tout le monde. Et là, il dit, si c'est ça, alors oui, je serai écrivain pour témoigner. En 1934, c'est le moment où va commencer notre fiction. Où en est-il de sa vie ? Alors, 1934, après son accès de tuberculose, il a repris ses études. Il est à la faculté de philosophie de l'université d'Alger, mais il faut aussi qu'il gagne sa vie, donc il fait des petits boulots. Et il est plongé dans déjà cette vie intellectuelle, parce que toute une génération de jeunes gens, de jeunes intellectuels, veut réagir à ce qu'a été le centenaire de l'Algérie française, 1930, qui a été 1830, la date de la conquête, voilà, oui, qui a été célébré avec une sorte de faste plein de morgue, de certitude absolue en soi, enfin de confiance en soi, du système colonial, sans voir ce qui se passe effectivement, et aussi avec une tentation de garder les formes artistiques. Donc tous ces jeunes gens qui, on dirait pour nous qu'ils sont de gauche, mais ils veulent aussi rénover l'art. Bref, ils veulent réécrire, refaire le monde. Voilà, c'est 1934-35. Merci à Agnès Piquet. Je propose que nous partions maintenant à l'été, justement 1934, à Hydra, retrouver Albert Camus. Dans une trentaine de minutes, nous poursuivrons cette discussion. Tout de suite, Albert Camus, une jeunesse algérienne, un texte de Charles Giol, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Bientôt minuit. Encore une nuit que Simone passera dehors, pourvu qu'elle soit chez sa mère et pas à traîner dans les rues de Bab el-Oued à chercher son poison. Dire que je me suis cru assez fort pour la sauver. Elle se pique même à la maison, dans les toilettes, en croyant que je ne me rends compte de rien. Ou pire, en se foutant bien que je m'en rende compte. Et je suis là, seul, dans cette baraque trop grande et trop luxueuse pour moi. Et quelle idée d'avoir loué cette villa ! Comment ai-je pu croire que je me plairais dans un quartier aussi bourgeois ? Sur ces hauteurs où les arbres me cachent le soleil, sur ces collines qui m'empêchent de voir la mer. C'est à peine si on la sent, la mer, quand le vent veut bien transporter son odeur. Et personne dans les rues, pas un café. Difficile de croire qu'on est à Alger. Ici, le silence m'empêche de dormir. Et l'inspiration me fuit. Si loin du monde qui est le mien, si loin de Bellecour, de la misère et du soleil, comment pourrais-je écrire quelque chose de valable ? Un soir de l'été 1934, à Alger, Albert Camus a 20 ans. Il vient d'épouser une jeune fille de bonne famille, Simone Hillet, dépendante à la morphine. En s'installant avec elle dans une villa du quartier chic d'Hydra, ce jeune homme, mince et pâle, aux traits fins sous un grand front dégagé, s'est un peu plus éloigné de son milieu d'origine. L'étudiant en philosophie, qui rêve de devenir écrivain, fréquente des intellectuels de gauche, tous d'origine bourgeoise. Parmi eux, Claude Fréminville, un ancien camarade d'Hippocagne et l'un de ses plus proches amis. Parti étudier le droit à Paris, Fréminville est de retour à Alger en ce mois de juillet 1934. Ses retrouvailles avec Camus ont lieu un soir à la terrasse d'un café de la rue Michelet, les Champs-Élysées d'Alger. Camus ! Oh, Camus ! Fréminville ! Dis donc, t'as maigri, toi ? On mange si mal que ça, à Paris ? En tout cas, dans les cafés là-bas, on te donne rien à manger avec ton verre. En t'attendant, j'ai englouti une merveilleuse assiette de kémia, pois chiches grillés et boutargues. Comment les Français peuvent-ils boire le ventre vide ? Eh, garçon ! Vous pouvez nous rapporter des kémias ? Et tu bois quoi ? Une anisette ? Quoi ? Non, plutôt du vin. Alors, un verre de rouge et une autre anisette, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fixes comme ça ? Ah, je reconnais, elle est pas mal. Cette chevelure, ce port de tête, la finesse de ses chevilles. À ton avis, espagnole ? Italienne ? Maltaise, peut-être. Elle a des yeux un peu phéniciens, en amande, non ? Ah, le défilé des Algéroises dans la rue Michelet. Ça a dû te manquer, non ? Elles sont aussi jolies, les filles de la Sorbonne ? Elles sont pas mal non plus, mais beaucoup plus farouches. Au fait, tu regardes les filles, toi ? T'es pas jeune mariée ? Il paraît. Ça se passe si mal que ça ? J'avais pas très envie d'en parler. Je suis désolé, vieux. Bon, je sais qu'avec toi, faut pas insister. Messieurs. Toi, par contre, on dirait que tu l'as trouvé, le grand amour. Dans tes lettres, il n'y en a plus que pour tes nouveaux amis communistes. Militer, c'est tellement exaltant. Je comprends pas pourquoi tu refuses d'entrer au parti. Pour quelle autre cause s'engager aujourd'hui ? Avec Hitler au pouvoir en Allemagne, les fascistes si menaçants en France depuis le 6 février, c'est le moment ou jamais d'agir, non ? Je sais pas. Il faut croire que j'ai pas la fibre politique. Je sens qu'il y a autre chose en moi, qui demande tous mes efforts, ma sensibilité, mon engagement. Ton œuvre, je sais. Mais ton héros, c'est Malraux, non ? Bah, il met bien sa plume au service du communisme, lui. Et puis franchement, que toi, vu d'où tu viens, tu veuilles pas défendre le prolétariat, ça me dépasse. Regarde un peu autour de toi, tu vois pas comme les ouvriers souffrent ? Et les Arabes, tu vois pas comme ils se font exploiter par ces salauds de gros colons ? Bien sûr que si. Si tu savais comme je me sens proche des pauvres, les vexations qu'ils subissent, leur misère me touche tellement. C'est de ça que je parle quand j'écris, de rien d'autre. J'ai le cœur rouge, crois-moi, mais entrer dans un parti, c'est comme entrer en religion. Et j'ai pas besoin d'un credo. Ouais. Je crois surtout que tu es en train de devenir un pur esthète. Un dandy. Regarde-toi avec ton complet et tes chaussettes blanches. En attendant, le dandy t'invite à aller voir un Fernandel ce soir. Il passe son dernier film au Vox. Ça s'appelle, tiens-toi bien, Le chéri de sa concierge. Ça promet. Allez, ça te changera de tes films soviétiques. Tiraillé entre son milieu d'adoption et la pauvreté de ses origines, révolté par l'injustice mais peu attiré par la politique, marié à 20 ans mais dragueur impénitent, le jeune Albert Camus se cherche. S'il publie des essais littéraires dans des revues algériennes, il peine à écrire le roman qui le consacrerait comme écrivain. Or le temps lui est compté, pense-t-il. Car frappé à 17 ans par la tuberculose, il sent la mort rôder. Au début de l'année 1935, Camus renonce à son premier projet de roman qu'il avait intitulé Louis Ringard. Non, décidément, ça ne vaut rien. Adieu, Louis Ringard. Je ne te regretterai pas. Tu n'as aucune épaisseur, aucune vie. Tu n'es qu'une ombre, un témoin muet et amorphe de ce qui se passe autour de toi. Et tu me ressembles trop. Je sais bien que je n'ai pas beaucoup d'imagination. Mais ce n'est pas en tissant maladroitement quelques souvenirs d'enfance que je vais réussir à écrire un roman. Oui, toute ma sensibilité vient de là, de ce quartier pauvre, plein de tous ces destins minuscules et sublimes, de cette mère qui n'arrive pas à parler, cette mère qui m'aime, mais ne peut pas me le dire, de ce jour où, à l'hôpital, j'ai su que j'allais mourir jeune. Tout cela s'agite au fond de mon âme, continue de bouillir en moi. Mais comment l'exprimer ? Pour écrire un roman, il me faut une intrigue, de véritables personnages, pas ces pâles copies de la réalité. Et il me faut une langue. Que mon style est précieux, encore, et confus. Sois sobre, précis. Recherche une vérité humble, qui touche au cœur, qui dise l'absurdité et l'injustice de la condition humaine. Et sa grandeur aussi. La grandeur de tous ces misérables qui s'agitent, aiment, se déchirent pour s'efforcer d'oublier qu'ils vont mourir. Frustré dans son désir d'écriture, malheureux dans sa vie conjugale, Camus a désespérément besoin de s'accomplir. À l'automne 1935, alors qu'en Algérie comme en métropole, la gauche s'unit en un front populaire pour barrer la route au fascisme, il finit par céder aux injonctions de son ami Fréminville et entre au Parti communiste. Camus y fait la connaissance d'Amar Ouzgan, un militant indigène, ainsi qu'on appelle alors les Arabes et les Berbères. Une nuit, dans le quartier de Bellecour, cet autodidacte, devenu cadre de la section communiste d'Alger, initie l'étudiant au collage d'affiches. Bon, alors, voilà comment on fait. Tu plonges l'affiche dans le seau de colle, là, tu remues un peu, comme ça, et tu la plaques au mur. Voilà. Et avec le pinceau, regarde, tu lisses bien, tu enlèves tous les plis. Voilà, comme tu vois, on s'en met plein les mains. Je devrais y arriver. Évidemment, pour un intellectuel comme toi, ça n'a rien de passionnant. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis un militant comme les autres. Je suis prêt à faire tout ce qu'on me demande. Ah, j'en doute pas. Mais on compte surtout sur toi pour rédiger des tracts et parler au public. J'ai entendu ton discours la semaine dernière, au meeting de la salle Cervantes. Tu exposes des idées avec beaucoup de clarté. Et en plus, tu transmets de l'émotion. C'est très rare. Merci, Ouzgan. Venant d'un politique professionnel, le compliment est flatteur. Allez, Yallah, en attendant, essaye de coller une affiche. Juste à côté de la maison. Allons-y. Donc, c'est ici ton quartier? J'ai grandi à deux pas, rue de Lyon. Dis-moi, on m'a dit qu'on t'a chargé de recruter des musulmans dans le coin. Comment ça se passe? C'est pas facile. Déjà, ils sont surpris qu'un Européen vienne frapper à leur porte. Ici, à Bellecour, les Européens et les musulmans cohabitent, mais ils ne se fréquentent pas. Ils vont jamais les uns chez les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Très bien. Allez, t'es mûr pour en coller une autre. Là-bas, sur la palissade. Dans mon immeuble, il y avait un seul musulman. Un balayeur municipal qui vivait dans la cour avec sa famille, dans une petite maison. Je jouais souvent avec son fils, mais ma grand-mère lui adressait jamais la parole. C'est partout pareil, tu sais. C'est pas seulement à Bellecour. Pourtant, petits blancs ou musulmans, ils sont tous pauvres. Ils devraient s'unir contre l'injustice. Contre les gros colons qui les font crever de faim. Même au parti, c'est désolant qu'il y ait si peu d'arabes. Tu sais, beaucoup de nos camarades ont beau proclamer leur haine du colonialisme, ils sont presque aussi racistes que les gros colons de droite. En tout cas, ils ne peuvent pas s'empêcher de traiter les Arabes avec condescendance. Pour que tous ces préjugés disparaissent, il faut que les musulmans et les Européens se côtoient, vivent ensemble, au parti, mais aussi à l'école, au café. Et très vite, nous nous rendrons compte que nous sommes tous frères. Nous vivons tous de la même manière, sous le soleil, face à la mer. Nous avons la même nationalité. Nous ne sommes pas français, mais algériens. Mais on n'aura jamais les mêmes droits. Que fais-tu du ressentiment des musulmans, des rancœurs nées de la conquête, du vol des terres, des massacres, de toutes ces colères qui ont depuis été entretenues par l'exploitation économique, par le mépris des colons? Ces blessures peuvent se refermer. Pour cela, les musulmans doivent obtenir le droit de vote. Le Front populaire le leur donnera s'ils gagnent les élections. Enfin, la fusion des races pourra s'opérer. J'aimerais te croire, Camus. Wallah, j'aimerais te croire. Sans délaisser l'écriture ni ses études, Albert Camus consacre beaucoup de temps et d'énergie à ses activités militantes. C'est l'action culturelle qui l'occupe le plus. Sous l'égide du PC, il anime une maison de la culture, donne des cours du soir à des ouvriers. Et avec d'autres étudiants communistes, il crée le Théâtre du Travail, une troupe qui entend fonder un théâtre prolétarien. Leur première pièce est une adaptation du Temps du mépris de Malraux qui raconte l'arrestation d'un communiste allemand par les nazis. Quelques jours après la représentation, qui a eu lieu dans un restaurant de plage devant quelques centaines de personnes, Jeanne Sicard, membre de la troupe et amie proche de Camus, le retrouve dans son bureau de la Maison de la Culture. Albert, regarde ça! Lucienne a réussi à faire passer son compte-rendu de notre pièce dans l'Écho d'Alger. Pas possible. Eh bien, si la presse bourgeoise se met à dire du bien du théâtre contestataire, c'est que la victoire est proche. Bon, mais sur quoi on enchaîne maintenant? Gorky, les bas-fonds, comme on avait dit? Tu crois pas qu'après de tels débuts, le théâtre du travail pourrait offrir une authentique création à son public? À quoi tu penses? Que dirais-tu d'une pièce sur l'insurrection des mineurs espagnols? Tu te souviens, il y a un an, dans les Asturies, ça, ce serait du théâtre populaire qui glorifie les combats d'aujourd'hui. D'accord, mais ça s'est mal fini, non? Raison de plus pour leur rendre hommage. Nous pourrions donner un visage à tous ces héros anonymes. Raconter leurs martyrs. Dénoncer les crimes d'une république bourgeoise qui a envoyé son armée massacrer des milliers de prolétaires. Pourquoi pas? Tout le monde te dit que t'as une tête d'Hidalgo, c'est pour ça que tu veux jouer un espagnol? Mais enfin, par ma mère, je suis espagnol. Non, c'est surtout que ce qui se passe en Espagne m'inquiète beaucoup. Je serais Pepe, un coiffeur d'Obiedo qui se rallie aux insurgés. Et toi, que dirais-tu de jouer Pilar, une aubergiste au grand cœur? Présenté comme ça, comment refuser? Mais donc, t'as déjà écrit le texte? Non, juste un vague plan. Je veux pas l'écrire toute seule. Le théâtre du travail est une famille. Il faut que ce soit une œuvre collective. Tu veux bien qu'on rédige le texte ensemble? Je proposerai aussi à Bourgeois et à Poignant de se joindre à nous. Mais c'est ton idée, pas la nôtre. Et alors? Je ne mets aucune vanité là-dedans. Nous ne sommes pas des auteurs, mais des artisans. Au service d'un art populaire, d'un art collectiviste même. Alors, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas un simple canevas sur lequel chaque acteur serait libre de broder? Comme dans la Commedia dell'arte. Excellente idée. Ah Jeanne, pourquoi est-ce que je ne me suis pas converti plus tôt au théâtre? Il n'y a pas de langage plus direct, plus intime. Parce que c'est un art de chair, qui s'incarne dans les corps vibrants des acteurs et résonne dans le cœur des spectateurs. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que sur scène. Le maire d'Alger, proche de l'extrême droite, interdira finalement la représentation de Révolte dans les Asturies. Le théâtre du travail se spécialise dès lors dans l'adaptation de grands classiques de la littérature. Pour le PC, ce n'est pas du théâtre militant. Et bientôt, les relations de Camus avec les cadres du parti se tendent. Même si la victoire du Front populaire le réjouit, Albert broie du noir en cette année 1936. Interceptant une lettre adressée à Simone par un médecin, il y apprend que celui-ci, non content de fournir de la morphine à sa femme, est aussi son amant. Le couple se sépare et Camus tente de se consoler en laissant libre cours à son donjuanisme. Parmi ses conquêtes, il est très attaché à Christiane Galindo, une jeune secrétaire que lui a présentée Jeanne Sicard. Avec elle, il aime aller à Tipaza. Ce village, situé à une soixantaine de kilomètres d'Alger, est l'un de ses lieux de prédilection. Au milieu des ruines d'une cité romaine, face à la mer, le jeune homme aime y méditer. Ah, Tipaza. La mer cuirassée d'argent. Les ruines couvertes de fleurs sur lesquelles la lumière écume à gros bouillons. Nulle part, on entend le cœur battant du monde aussi distinctement qu'ici. Nulle part on est à ce point happé par sa mélodie, par le chant secret, tranquille, de ceux qui ne meurent pas. Ce lieu est habité par les dieux. Et à côtoyer les dieux, on deviendrait presque un dieu soi-même, pour un instant. Albert, tu viens de baigner? J'arrive. Oui, il est temps de célébrer les noces du corps et de la mer. De posséder l'onde avec mes jambes, mes bras, ma peau. Tu me noies et puis tu me prends tendrement dans tes bras. C'est tout toi. Je suis un être imprévisible. Mais c'est ce que tu aimes chez moi. J'aime ta tendresse, ta sensibilité. J'aime moins quand tu disparais pendant une semaine. Pardon. Cette petite scène de jalousie est tout à fait déplacée. Je sais que je te fais du mal, Christiane. Si je suis ici avec toi, c'est parce que tu me fais plus de bien que de mal. T'inquiète pas. Je sais que tu n'es pas capable d'aimer une seule femme. En tout cas pour l'instant. T'es si bonne avec moi. Si généreuse. Bon. Et si on nageait? Tu vois le rocher là-bas? On fait la course? La galanterie m'impose un handicap. J'y vais en brasse ou en crawl? Tu te surestimes, Albert. En 1937, Albert Camus s'acharne, sans succès, sur l'écriture d'un nouveau roman, La mort heureuse. Il se replonge alors dans la politique et soutient ardemment le projet Blum-Violette, par lequel le gouvernement de Front Populaire prévoit d'accorder la pleine citoyenneté française à 20 000 musulmans algériens appartenant aux élites arabes et berbères. Mais les protestations des notables européens d'Algérie ont raison du projet. Camus est d'autant plus écœuré que les dirigeants communistes ne protestent pas. Préférant se concentrer sur la lutte antifasciste, le PC a renoncé à combattre le colonialisme. Critiquant ouvertement la nouvelle ligne du parti, le jeune militant finit par faire l'objet d'un procès politique mené par les cadres de la section d'Alger, dont Amar Ouzgan. Dans un café de Bellecour, Camus attend le verdict en compagnie de son ami Claude de Fréminville. Ça ne finit pas, dis donc. Peut-être qu'Ouzgan est en train de sauver ta peau. Aucune chance. Ce n'est qu'un procès pour la forme. Ils aiment tellement ça, les procès. Le simulacre de la justice. Non, ils vont m'exclure. Mon sort est réglé depuis des mois, depuis que j'ai osé dire à Deloche qu'en abandonnant les musulmans, le parti reniait son histoire. Pourquoi t'as pas simplement démissionné? Ça leur ferait trop plaisir. Je veux les mettre face à leurs contradictions, à leurs mensonges. Tu connais pas leur dernière invention? Ils m'accusent d'avoir détourné une partie des fonds de la Maison de la Culture. Elle est bien bonne. On n'a jamais eu le moindre rond. Tu dois m'en vouloir. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Toi et d'autres, non? Je ne t'en veux pas. C'était une expérience nécessaire. J'ai pu voir le vrai visage du communisme. Gide a vu l'URSS, les magasins vides, les paysans qu'on a fait travailler comme des bêtes dans les colcoses. Moi, je n'ai vu que la section d'Alger, mais ça m'a suffi. Les mesquineries, la lâcheté, le reniement, les trahisons. Moi aussi, je vais rendre ma carte. De toute façon, on me suspecte d'être un agent double vendu aux nationalistes musulmans. Oui, je vais partir et créer un parti franco-musulman. On pourrait monter ça ensemble, peut-être. Non. J'en ai fini avec la politique. J'en ai assez d'entendre tous ces discours qui ne rendent pas le moindre son humain. Je suis un artiste, pas un militant. Mon engagement, il s'exprimera dans mes livres. Je ne veux pas convaincre, je veux seulement montrer. Montrer les injustices qui frappent les hommes et la beauté du monde aussi. Bon. D'ailleurs, ça avance ton roman ? La mort heureuse ? Non, je crois que je vais laisser tomber. J'ai une nouvelle idée, on verra bien ce que ça donne. Et puis si j'y arrive pas, tant pis. Je me contenterai d'écrire du théâtre. Des essais. Mais bon, c'est pas en publiant des essais qu'on se fait un nom. Voilà Ouzgan. Ah, je suis désolé. Camus, j'ai rien pu faire. Je t'ai défendu, mais cette ordure de Deloche, il était intraitable. Ça y est, je suis exclu de la grande famille communiste. Deloche a décrété que tu étais, je cite, un agent provocateur trotskiste. Mais il est impayable, celui-là. Le pauvre, s'il savait que je n'ai jamais lu la moindre ligne de Trotsky, et pas plus que de Marx ou de Lénine. Il voit vraiment des traîtres partout. Que veux-tu? Avec eux, si on n'est pas un pantin aux ordres de Moscou, on est forcément un agent de l'ennemi. Au fond, je les envie un peu. La vie doit être vraiment plus simple quand on l'envisage ainsi. Et toi, Ousgane, j'espère au moins que ça ne va pas te causer des ennuis d'avoir pris ma défense. Non. Deloche, il peut rien contre moi. Il peut pas virer un permanent juste parce qu'il en a l'envie. Ça se décide aussi, ce genre de choses, à Paris. Bon. Tout de même, je te plains de rester plongé dans ce panier de crabes. Albert Camus, qui a achevé ses études de philosophie, vit de petits boulots. Il devient un temps assistant en météorologie, calcul des moyennes de température et de pression. Dès qu'il le peut, il écrit. À l'automne 1938, il décroche un emploi de journaliste dans un nouveau quotidien, Alger Républicain. C'est le seul journal de gauche de la ville. Son rédacteur en chef, Pascal Pia, venu de Paris, remarque tout de suite les talents d'observation et d'écriture de Camus. Une forte complicité se noue entre ces deux passionnés de littérature. Ah, Camus, vous voilà, je vous cherchais. Je suis passé au commissariat, c'est le calme plat aujourd'hui. 2-3 cambriolages, rien de bien saignant à se mettre sous la dent. J'ai lu votre critique de la nausée. C'est très bien. Je la fais passer dans le journal de demain. Il est étonnant ce Sartre, n'est-ce pas? J'ai jamais lu une chose pareille. Pourtant, vous ne le ménagez pas. Il a beaucoup de talent. Et quelle lucidité! Sa pensée de l'absurde est saisissante. Mais je trouve ça un peu démonstratif. Ça manque de vie. Les personnages sont écrasés par les théories philosophiques. C'est son premier roman. C'est un prof de philo, normalien. Sa mue en écrivain n'est pas encore achevée. En tout cas, mes amis me disent qu'à Paris, tout le monde ne parle que de lui. Ça sera un auteur important. C'est certain. Bon, je me disais, ça vous dirait d'écrire des critiques régulièrement? Une fois par semaine, disons. Évidemment. Ça me changera des chiens écrasés. Ah, que voulez-vous, un journal doit bien couvrir les faits divers. Et puis, pour un journaliste débutant, c'est la meilleure école. Mais bon, vous apprenez vite. Pascal Pia confie bientôt les articles de Une à Camus, qui se lance dans un journalisme de combat. Il défend des victimes d'erreurs judiciaires, critique la politique des autorités coloniales. Au printemps 1939, il effectue un long reportage en Kabylie. Dans cette Algérie profonde, que les Européens, peuplant les grandes villes, connaissent si mal, Camus est sidéré par ce qu'il voit. Dans une des régions les plus attirantes du monde, un peuple entier souffre de la faim. Par un petit matin, j'ai vu à Tizi Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens le contenu d'une poubelle. À Adni, sur 106 élèves qui fréquentent les écoles, 40 seulement mangent à leur faim. Les gens qui meurent de faim n'ont généralement qu'un moyen d'en sortir, et c'est le travail. Or, le régime du travail en Kabylie est un régime d'esclavage. Je ne vois pas de quel autre nom appeler un régime où l'ouvrier travaille de 10 à 12 heures par jour pour un salaire moyen de 6 à 10 francs. L'exploitation seule est la cause des bas salaires. Aucune des autres raisons qu'en donnent les colons et les propriétaires kabyles n'est valable. Il paraît que c'est aujourd'hui faire acte de mauvais français que de révéler la misère d'un pays français. Tant de gens se targuent aujourd'hui d'être de bons français, et parmi eux, tant d'esprits médiocres ou intéressés, qu'il est permis de s'y tromper. Mais du moins, on peut savoir ce qu'est un homme juste. Et je crois que la France ne saurait être mieux représentée et défendue que par des actes de justice. Pour les autorités coloniales, la série d'articles que Camus publie sous le titre de « Misère de la Kabylie » est inacceptable. Frappé par la censure, Alger Républicain, qui de plus est déficitaire, est en sursis. À 25 ans, Camus se sait à un tournant. Son nouveau projet de roman, qu'il intitulera bientôt « L'étranger », prend forme. Mais il s'est fait beaucoup d'ennemis en Algérie. Et en septembre 1939, une nouvelle guerre éclate en Europe. Si sa tuberculose vaut à Camus d'être exempté de ses devoirs militaires, l'avenir est très incertain. À la rédaction d'Alger Républicain, Pascal Pia et son protégé voient leur aventure commune touchée à sa fin. Mauvaise nouvelle, Camus. Je reviens d'une réunion avec les financiers. Nos dettes ont explosé. On ne pourra pas tenir plus d'un mois. Peut-être deux. Je m'y attendais un peu. J'ai déjà prévu de rentrer à Paris. Mais ça me gêne terriblement de vous laisser ici. Vous ne trouverez pas un autre boulot de journaliste en Algérie. Le gouvernement général y veillera. Croyez-moi. Moi, j'ai une piste à Paris soir. Est-ce que, si je vous trouvais quelque chose là-bas, ça vous dirait de me rejoindre? À Paris? Ben oui. C'est que... ma vie est ici, et... Et puis Francine... Vous savez, je vous ai parlé d'elle. Cette Orénaise si belle et si sérieuse. Je lui ai promis de l'épouser, dès que mon divorce avec Simone aura été prononcé. Vous casez, vous... Vous êtes sûr? Il me sera difficile de renoncer à ma liberté, je le sais bien, mais... J'aime Francine. J'aime sa droiture, sa pureté. J'ai brûlé toutes les lettres que j'ai reçues d'autres femmes qu'elle, ces dernières années. Avec beaucoup d'autres papiers, ceux de ma période communiste. Pas mal de manuscrits ratés. Ça m'a fait un bien fou. Vous n'avez pas brûlé votre début de roman, au moins? Ce que vous m'avez fait lire le mois dernier? Non. Je le répète, c'est vraiment prometteur. Votre voix est singulière, Camus. Vous avancez? Pas autant que j'aimerais, je manque de temps. Vous me faites bosser dur, vous savez. Mais bon, ce boulot m'aide beaucoup pour mon roman. À passer mes journées dans les tribunaux, je rencontre des personnages que j'aurais jamais pu imaginer. Envoyez-moi le manuscrit à Paris quand vous l'aurez terminé. Je le ferai passer à Malraux. Malraux? Vous êtes sûr? Je le connais depuis qu'on écumait les bouquinistes des bords de Seine ensemble à 17 ans. Quand je lui recommande un livre, il le lit. Malraux, quand même. Je sais pas si j'oserais. Oser, bien sûr. Je trouverai aussi un moyen de le faire passer chez Gallimard. Merci, Pierre, merci infiniment. Vous savez, je me demandais... Vous connaissez tout le monde dans le milieu des lettres. Et vous avez tout lu. Vous n'avez jamais songé à écrire vous-même? Voyez-vous, à votre âge... Je me suis juré de ne jamais écrire de livre. Mais pourquoi? Nous nous ressemblons, Camus. Nous avons tous les deux une vision du monde que je qualifierais de... désespérée. Vous êtes d'accord? Mais la grande différence entre vous et moi, c'est que vous, vous avez envie de vous révolter, de crier. Tandis que moi, je préfère garder le silence. C'est une position qui ne manque pas de noblesse. Bon... En attendant, il faut boucler le journal. J'attends encore les résultats du foot. Je vous rejoins au Marbre dès qu'on me les aura téléphonés. Le Racing jouait contre le CDJ. Si jamais on s'est fait battre par ces fumiers d'Oranais, ma soirée est foutue. Un écrivain qui aime le football. Camus, vous êtes un cas. En janvier 1940, Alger républicain est finalement interdit par les autorités coloniales. Les directeurs des autres journaux d'Algérie ont interdiction de recruter Camus. Le jeune chômeur passe alors quelques mois à Oran, auprès de Francine Faure, la jeune professeure de mathématiques pour laquelle il a renoncé à Christiane Galindo et à ses autres maîtresses. Quand Pascal Pia, qui a trouvé un emploi à Paris Soir, lui propose de l'y rejoindre pour occuper un modeste poste de secrétaire de rédaction, Camus, sans ressources, est obligé d'accepter. Repassant par Alger pour y prendre le bateau, il va voir sa mère, rue de Lyon, pour lui dire au revoir. Bonjour, maman. Albert! Mon fils! Ça faisait longtemps. Oui, 3 mois. Je suis contente. Depuis quand tu es à Alger? Je suis rentrée hier. Retourne t'asseoir sur le balcon. Tu arrives. Tu es toujours sur ton balcon, à regarder la rue. Toujours. Tu as l'air en forme. Oh, ça va. Le ménage chez les gens, c'est fatigant, mais ça va. Maman, je suis venue te dire quelque chose. Je vais quitter l'Algérie. Je pars m'installer à Paris pour quelque temps. À Paris? Mais c'est la guerre là-bas. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et puis moi, je ne vais pas la faire, la guerre, à cause de ma maladie. Oui. Tant mieux. La guerre, c'est terrible. Ton pauvre père, lui, quand il est allé en France, c'était pour faire la guerre. Et dès qu'il est arrivé là-bas, il a été tué. Je sais, maman. Mais il fait froid à Paris. Je me couvrirai, t'inquiète pas. Et pourquoi tu vas là-bas? Pour travailler. Ici, je trouve pas de boulot. Bon. Alors tu dois y aller? Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire comme travail là-bas? Journaliste. Comme ici. Tu sais, j'en ai des journaux dans lesquels tu as écrit. Dans la commode, dans ma chambre. C'est le voisin qui me les a donnés. Mais bon, je sais pas lire. C'est pas grave, maman. C'est pas grave. Le lendemain, Albert Camus embarque pour la métropole. Sur le pont du bateau, il regarde s'éloigner le port d'Alger. Me voilà chassé de chez moi parce que j'ai osé dire la vérité. Chassé de ce port bondissant de lumière, de cette baie accueillante comme une mer. J'abandonne les matins pleins de soleil, les rues chaudes et pleines de femmes au corps brun. J'abandonne Francine. Et pourquoi? Un monde gris, où je ne trouverai aucun être, aucun paysage pour consoler mon cœur. Au moins, je n'aurai pas le choix. Je finirai à l'étranger. La solitude de ce point de vue ne me fera pas de mal. Et il n'y a que là-bas, à Paris, que je pourrai être reconnu par des esprits moins étriqués que ceux d'ici. J'approche du but. Je le sens. Ce personnage, ces scènes, ces phrases entières qui maintenant s'imposent à moi, venant des profondeurs de mon esprit. Est-ce cela être écrivain? Ne pas parler de soi, mais laisser parler son âme. Espérons. Quand je me serai fait un nom à Paris, je pourrai revenir ici. Je reviendrai me baigner avec Francine, si elle veut encore de moi. Je reviendrai à Bellecour. Je reviendrai m'asseoir, dans le silence, auprès de maman. Albert Camus, une jeunesse algérienne de Charles Giol, avec Albert Camus, Lionel Lingelser, Claude de Frémiville, Louis Berthélémy, Amar Ouzgan, Toufik Djalab, Jeanne Sicard, Elsa Agnès, Christiane Galindo, Camille Pellissier, Pascal Pia, Johan Proust, Catherine Camus, Nathalie Lacroix, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Étienne Collin, assistante à la réalisation Claire Chéneau, réalisation Cédric Ossire. Vous écoutez France Inter, Autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur la jeunesse algérienne d'Albert Camus avec mon invité Agnès Piquel. Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé. Me quitte un instant, je disparais. Si je me retourne soudain, tu n'existes plus. Nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue. Nous n'avons pas le choix, et tu le sais. et même si tout concourt autour à nous distraire, si sentir d'autres regards peut nous éloigner, il n'est pas question que l'amour voir autour. Tu peux rester l'unique objet de mon regard. Et en retour, tu ne peux que me regarder. Nuit et jour, si tu faiblis, je risque de partir en fumée. Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé. Les éveillés sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Antoine Cruchon. Agnès Piquel, nous avons laissé Albert Camus au moment où il quitte l'Algérie en mars 40. Il a 26 ans, à ce moment-là, il sait ce qu'il veut faire de sa vie, devenir écrivain. Il a dans sa valise même le manuscrit de L'étranger. Que va-t-il faire quand il arrive à Paris? Il va s'enfermer dans une chambre, il fait très froid et il va continuer de fait le manuscrit de L'étranger, alors même qu'il est en train de vivre cette expérience, excusez-moi le néologisme, d'étrangèreté. Il est étranger dans cette ville de Paris. Je voudrais quand même dire qu'il n'a pas l'impression, en partant, si vous me permettez, de quitter des esprits étriqués. C'est pas du tout ce qu'il a eu comme expérience de l'Algérie. Et je voudrais dire, avant que nous revenions à ce Camus à Paris, je voudrais citer un homme, Edmond Charlot et la librairie des Vraies Richesses. C'est une librairie à Alger. Une librairie, mais au cœur d'Alger, elle existe encore comme bibliothèque municipale, toute petite. Et Charlot, son premier acte, c'est de publier le texte de Révolte dans les Asturies qui vient d'être interdit. C'est lui qui publie les deux premiers ouvrages de Camus, c'est-à-dire L'Envers et l'Endroit et Noces. Donc, tout est prêt, j'allais dire, pour qu'il puisse continuer L'étranger. Et ce manuscrit va connaître un sort extraordinaire. Il a fallu toute la patience de Pia, mais aussi de Malraux, pour qu'effectivement, en 42, Gallimard décide de le publier et, sur l'insistance de Malraux, propose un poste de lecteur à Camus qui lui permettra, pendant toute sa vie, de ne pas dépendre de son œuvre financièrement. Et ça, il y a tenu beaucoup. C'est une histoire extrêmement émouvante qui se passe entre 40 et 42, où rien n'était joué. Pia aurait pu ne pas y arriver, et il faut pas oublier que Pia, à ce moment-là, est entré dans la résistance, il est dans le maquis. Et une période difficile aussi pour Camus, puisqu'il va lui-même entrer dans la résistance, il ne retournera en Algérie, et qu'il ne retrouvera vraiment sa famille qu'après la guerre. Qu'après 1944. À ce moment-là, donc en revenant à mars 1940, quand il part d'Algérie, comment il se situe politiquement à ce moment-là? Donc il a rompu avec le Parti communiste. Il se considère comme un artiste. Je crois qu'il garde profondément en lui ce souci de la justice. Beaucoup plus tard, quand on lui demandera pourquoi il a fait cette expérience au Parti communiste, mais il dit pour la justice, c'était le seul moyen. Et ce souci de la justice ne l'a absolument pas abandonné quand il a été exclu du Parti communiste. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Mais peut-être justement parce qu'il avait un souci de justice qu'il n'a pas apprécié son procès dont il a été victime. Voilà. Mais il ne prendra plus jamais de carte dans aucun parti, même s'il a soutenu un certain nombre de causes. Et particulièrement par rapport à l'Algérie, puisque c'est le sujet de notre émission, l'Algérie et la colonisation. On sait qu'il a pris position clairement contre la colonisation, mais évidemment, il ne peut pas imaginer en 1940 les événements, le soulèvement de 1945, la guerre d'indépendance qui va commencer en 1954. Mais quel est son positionnement exact? Mais si, il peut l'imaginer. Parce qu'il ne faut pas oublier deux choses. C'est d'une part qu'il retourne à Alger tous les ans pour voir sa mère, et donc il rencontre énormément de gens. D'autre part, en 45, il y va en tant que journaliste, en tant que rédacteur en chef de Combat. Et il y est juste avant les massacres de Sétif et de Guelma. Il est de ceux qui pensent que la France a raté un certain nombre d'occasions, qu'il y ait plus de justice, et que donc la haine va devenir inexpiable. Autrement dit, 54 ne le prend pas au dépourvu. La fin du système colonial, il l'a dit et redit, elle est inéluctable, il la veut, il la souhaite, tout simplement au nom de la justice et au nom même des idéaux du peuple français. Je vous propose, Agnès Piquel, d'écouter Albert Camus dans un document que vous connaissez, évidemment, en novembre 1958, au plus fort de la guerre d'Algérie, alors que le général de Gaulle est revenu au pouvoir. Albert Camus prend la parole dans une conférence. Et je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, je voudrais simplement dire que, personnellement, au long d'une vie où, en somme, les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne, l'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter. Et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. Et donc Albert Camus, en novembre 1958, il dit « Je suis un écrivain algérien » et il parle encore d'une démarche commune entre Arabes et Français vers la vérité. De quoi parle-t-il, à votre avis, Agnès Piquel ? La vérité sur ce qui est en train de se passer. Parce que, par ailleurs, en 1958, déjà il dit « c'est fichu ». En Algérie, tous les Européens vont devoir partir. Ce qui se prépare, ça n'est pas un beau régime démocratique. La vérité, c'est-à-dire justement la vérité sur les projets que tous les partis en Algérie disent comment ils voient cette Algérie. Parce que à ce moment-là, personne n'est clair sur l'Algérie indépendante. Tout le monde sait que l'Algérie sera indépendante, mais quelle Algérie ce sera ? Albert Camus mourra accidentellement le 4 janvier 1960 sans avoir connu l'Algérie indépendante. Une autre chose, pour terminer sur une note peut-être plus joyeuse, Agnès Piquel, une chose que dit Camus dans ce document, il doit à l'Algérie non seulement des leçons de souffrance et de malheur, mais aussi de bonheur. Albert Camus avait le goût du bonheur, c'est ce qui nous le rend extrêmement proche et moderne. Tout à fait. Ce goût du bonheur, ce droit d'être heureux, tout en étant lucide. Et ça, il le dit depuis sa jeunesse, mais en même temps, des angoisses absolument énormes. Et c'est ce déchirement permanent qui le rendait. J'ai la chance de connaître des gens qui l'ont bien connu et qui disent qu'à la fois, il pouvait être capable d'angoisses folles et de bonheur extraordinaire. Oui, bien sûr, ça nous le rend extrêmement proche, extrêmement fraternel. Merci Agnès Piquel, vous êtes l'auteur de Camus, militant communiste, Alger 1935-1937, chez Gallimard, et vous avez participé à l'édition des œuvres complètes de Camus dans la Pléiade, dirigée par Jacqueline Lévy-Valency. Et j'en parlais en début d'émission, vous avez publié en 2020, avec Christian Féline, Alger sur les pas de Camus et de ses amis, édité en Algérie, chez Arak Éditions. Voilà. Voilà, c'est la fin d'Autoran emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos remarques ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons dans le sud des États-Unis en 1872. Une famille d'anciens esclaves noirs, les Montgomery, devenus propriétaires de l'exploitation où ils travaillaient avant la guerre de sécession. Ils sont désormais libres, mais cette liberté est fragile. Davis Bent, 1872, quand Scarlett était noire, de Judith Pérignon, c'est dimanche prochain dans Autoran emporte l'histoire.